visão, né? Uma bugou da visão, né? Da visão, né? Uma bugou da visão, né? Fais pour toi tout ce qui pour moi était impossible. Je sais que je t'en ai fait baver durant des années. Pour toi j'ai su mettre de côté mon côté impassible. L'impression d'arroser une fleur qui a déjà fané. Si tes sentiments pour moi partent, je m'en voudrais à vie. Car je sais qu'il y en est la cause. Mais ne me laisse pas de deuxième chance si c'est pour me rappeler tous les jours que c'est de ma faute. Je t'ai tout donné, mais tu ne le vois pas, tu retiens que le mal que je t'ai fait. Je t'ai tout donné. Ça me fait mal, mais je me dis que tu aurais dû t'en aller. Je t'ai tout donné, mais tu ne le vois pas, tu retiens que le mal que je t'ai fait. Je t'ai tout donné. Ça me fait mal, mais je me dis que tu aurais dû t'en aller. Si t'avais mal, pourquoi t'as fait semblant, ouais, ouais. Si t'avais mal, pourquoi t'as fait semblant, ouais, ouais. Si t'avais mal, pourquoi t'as fait semblant. Pourquoi t'as fait semblant, ouais, ouais. Non, semblant, ouais, ouais. Dis-moi pourquoi t'as fait semblant, ouais, ouais. On est ensemble depuis longtemps, ouais, ouais. Depuis tu avais l'air content, ouais. C'est plus pareil, j'en suis conscient, ouais, ouais. J'avais peur de la roue, mais elle a tourné. T'avais l'air sûr de ce que tu voulais. Recommencer si je pouvais. T'as pardonné, mais pas oublié. Mais tu ne le vois pas, tu retiens que le mal que je t'ai fait. Je t'ai tout donné. Ça me fait mal, mais je me dis que tu aurais dû t'en aller. Je t'ai tout donné. Mais tu ne le vois pas, tu retiens que le mal que je t'ai fait.